sur la plage abandonnée. Audi Populum Stella Splendes In Solis Radium. Stella Splendes In Solis Radium. Mm-hmm. ut solis radium. Stella splendes ut solis radium. No, not just a bit. No, in the wall, in the wall, in the wall. Get mummy, there's no drones up in the sky. Get mummy. In that side, do you think they break my balls? give me a ring. Okay. Thank you. durer, mais ça fait que durer. Ça s'allonge, les terroristes, les virus, tout le monde nous attaque. La chronique des temps, des bas, des hauts, on n'en finit jamais, des polémiques, thank you. Thank you.